Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue de cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ils marchent en pleurant, portant la semence, mais il revient avec des cris de joie, portant ses gerbes dans ses bras, portant ses gerbes devant les...